إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 24 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha de Cheikh Ubayd al-Jabri qui s'intitule إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول. Et on est arrivé donc, on est toujours dans la suite des énumérations des diverses formes d'adoration. Et le Cheikh Ubayd, حفظه الله تعالى, il explique maintenant l'adoration en arabe qu'on appelle النذرو. Et il donne la preuve à ce sujet, il mentionne la parole. Donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il dit وَدَلِيلُ النَّذْرُ وَدَلِيلُ النَّذْرُ قَوْلُهُ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Donc par rapport à donc cette preuve, et un nadhru, on le traduit en général en français par le terme le fait de faire des vœux pieux, hein, un vœu pieux ou un serment, et on va expliquer c'est le sens de ça, qu'est-ce que c'est, inshallah. Donc un nadhru, le Cheikh Ubayd il explique, il dit في النذر عدة مسائل الأولى في تعريفه والثانية في حكمه والثالثة في شروطه. Donc, il y a trois points qu'on va mentionner ici et qu'on va expliquer. Le premier point, c'est la définition de an-nadhr. Qu'est-ce que c'est la définition? Et la deuxième chose qu'on va expliquer, c'est son verdict. Qu'est-ce que c'est le jugement à ce sujet? Et le troisième, c'est les conditions de an-nadhr. Donc, le premier point qu'on va mentionner ici, c'est التعريف أولا تعريفه لغة, donc sa définition linguistique. Qu'est-ce que signifie النذر? النذر, ça s'écrit نون ذل را, النذر نون ذل را النذر. Donc en arabe ça veut dire الإلزام, c'est-à-dire de s'imposer quelque chose, de se rendre quelque chose obligatoire à soi-même. Même si à la base c'est pas quelque chose d'obligatoire, tu te le rends obligatoire à toi-même. Ça c'est linguistiquement. Lorsque quelqu'un se rend quelque chose obligatoire à lui-même, hein, ça c'est un nadhr, c'est la définition linguistique. Al-ilzam. واصطلاحاً إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. Donc, la définition religieuse, le sens religieux du terme nadhr, c'est que la personne musulmane qui est mukallaf, quand on dit mukallaf, c'est-à-dire la personne qui atteint l'âge de la puberté et qui a toute sa raison et qui est musulmane, elle s'impose quelque chose, c'est-à-dire elle se rend quelque chose d'obligatoire à elle-même dans l'adoration. Et c'est une chose qui, à la base de la charia, n'est pas obligatoire en elle-même. D'accord? Mais elle se le rend obligatoire à elle-même, elle se l'impose à elle-même volontairement. Ok. Donc, dans le sens linguistique de an-nadr, c'est le fait de s'imposer quelque chose, d'imposer quelque chose ou de rendre quelque chose obligatoire, al-ilzam. Et dans le sens religieux, c'est qu'une personne qui est musulmane, qui est mukallaf, mukallaf ça veut dire elle a atteint la puberté et elle a sa raison, hein, elle est musulmane, hein. Donc à ce moment-là, la personne est responsable de ses actes et elle est chargée par Allah subhanahu wa ta'ala de mettre en application les ordres de l'islam. Donc cette personne, elle est mukallaf et elle s'impose à elle-même des choses qui à la base dans la charia ne sont pas obligatoires dans les adorations. Elle s'impose une adoration à elle-même qui à la base de la charia n'est pas obligatoire. Et on va donner des exemples de ça. Hein? Comme par exemple quelqu'un qui dit par exemple je vais jeûner pendant un mois pour Allah. Hein? Je vais jeûner pour Allah pendant un mois. Donc ça c'est un exemple de nadr, un vœu pieux, et que tu t'imposes, quelque chose que tu t'imposes à toi-même. En dehors du mois de Ramadan, il n'y a pas de jeûne obligatoire, mais toi tu te le rends obligatoire à toi-même pour te forcer à faire un acte en particulier. On va voir le verdict à ce sujet-là. Le cheikh il dit وَالثَّانِي حُكْمُهُ وَحُكْمُهُ مِنْهُ مَا هُوَ شَرْعِيٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ شِرْكِيٌ. Donc il faut savoir qu'en ce qui concerne al-nazr, il y a une forme du nazr qui est shar'i, qui est en accord avec la sharia et qui respecte les conditions et les principes de l'islam, et il y a une forme de nazr qui est shirk et qui est en contradiction avec les principes de l'islam. Donc le cheikh il explique la différence entre les deux. Il dit فالشرعي هو ما كان لله عز وجل والشركي ما كان لغير الله وهذا تقسيم مبدئي. Donc pour commencer, la forme de nadr qui est shar'i, qui est en accord avec les règles de la sharia, c'est ce qui est fait pour Allah seulement, c'est-à-dire celui qui est fait uniquement pour Allah. Tu fais un vœu uniquement pour Allah, donc ça c'est en accord avec la sharia. Toutefois, si tu fais un vœu pour autre que Allah, dans le sens que tu t'imposes à faire quelque chose pour autre que Allah, et on va mentionner des exemples de ça, hein, pour un saint, pour une idole, pour une tombe, ou des choses comme ça, alors là, dans ce cas-là, ça rentre dans le shirk. Et le cheikh, il explique, il dit, « ثم النذر الشرعي ينقسم إلى قسمين. منجز ومعلق. فالمنجز ضد المعلق أو ضد المعلق أو المعلق ويسمى المطلق لأنه لم يقيد بشيء ولم يعلق على شيء كقول القائل علي نذرة العمرة هذا العام أو لله أن أعتمر هذا العام أو أن أحج هذا العام أو يقول لله علي أن أتصدق بألف دينار. هذا هو المنجز. المنجز. Donc il dit que le nadr, il est de deux catégories. Hein, le nadr qui est en accord avec la sharia, il est divisé en deux catégories. La première catégorie, c'est celle qui est munajjaz, et l'autre celle qui est mu'allaq. Donc al-munajjaz, c'est le contraire de al-mu'allaq. Al-munajjaz, ça veut dire un nadr que tu fais, un vœu pieux que tu fais, qui est sans aucune restriction, qui n'est pas attaché à aucune condition ou aucune autre chose. Comment on l'appelle? On peut l'appeler comment on pourrait l'appeler en français, le vœu pieux général, le vœu pieux général ou ordinaire, celui qui est sans restriction et sans condition. Comme quelqu'un par exemple qui dit « Je m'impose à moi-même de faire Umrah pour Allah cette année. » Je m'impose à moi-même de faire une Umrah cette année. Hein? Ou bien « Je m'impose à moi-même de faire le Hajj cette année. » Ou bien « Je m'impose à moi-même de donner 1 000 $ en sadaqa cette année. » Hein? Ça c'est « Munajjaz ». C'est-à-dire c'est pas relié à quoi que ce soit. C'est pas relié à une condition ou à une restriction. C'est général, c'est absolu. Maintenant, quand je vais vous donner l'exemple de Al-Mu'allaq, vous allez tout de suite comprendre la différence. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on a voulu dire entre les deux. أما المعلق فهو ما علق على أمر يوفى بحصوله كقول القائل إن شفى الله مريضي فعلي صيام كذا وإن رد الله غائبي فعلي صدقة كذا فهذه الأمور وأمثالها من النذر المعلق لأنه علقه على شرط هذه تقسيمات النذر donc l'autre forme de nadr qui est en accord avec la sharia, c'est un nadr al-mu'allaq. C'est celui qui est relié ou attaché à quelque chose. Comme par exemple, tu dis, si Allah guérit mon fils qui est malade, alors je vais jeûner tel nombre de jours. Là, tu as ramené ton vœu pieux à une condition. Hein? C'est comme si tu as restreint ton vœu en l'attachant ou en le ralliant à une condition spécifique. Comme par exemple, tu dis, si Allah me guérit de telle maladie, bon, dans ce cas-là, je vais faire un jeûne d'une semaine. Si Allah subhanahu wa ta'ala m'aide à trouver mon portefeuille que j'ai perdu, je vais donner 1 000 $ en sadaqa ou 100 $ en sadaqa. Ou bien, des conditions de ce genre. Il y a des gens qui font ça, et ça c'est en accord avec la charia. C'est pas interdit de faire ça. Il n'y a pas de mal de faire ça. Tant que tu le fais en mentionnant que tu le fais pour Allah, pas pour le faire pour quelqu'un autre que Allah. Tu le fais pour Allah. Comment on appelle celui-là? On peut dire le vœu pieux relié à une condition. Hein? Conditionnel, si on veut. Le vœu pieux, le nadr, al-mu'allaq, on peut dire le vœu pieux qui est rattaché à une condition, ou bien conditionnel. Tandis que le premier, on pourrait dire le vœu pieux inconditionnel. Si on veut définir les choses ou donner une terminologie à ces termes-là en français, on veut les appeler d'une façon spécifique. On pourrait les appeler comme ça. Le vœu pieux conditionnel et inconditionnel. Il dit « وَذَهَبَ بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَىٰ أَنَّ النَّذْرَ مُحَرَّمُ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّذْرُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ قَالُوا هَذَا ذَمٌّ وَذَمُّ الْفِعْلِ مِنْ صِيَغِ النَّهِي الفرعية لأن النهي والنهي والنهي الأصل فيه التحريم والصواب أن النذر ليس بمحرم ولكن تركه أولى ومن نذر فعليه الوفاء والدليل قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ok, donc après avoir mentionné, on a expliqué maintenant qu'il y a deux catégories de nadr. Deux catégories de nadr. Le premier qui est conditionnel, l'autre qui est le premier qui est inconditionnel, l'autre qui est conditionnel. Et ça c'est la catégorie qui est en accord avec la charia. Celui qui est shirk, le nadr qui est shirk, c'est celui que tu ferais pour autre qu'Allah. Tu vas par exemple à la tombe d'un homme pieux qui est mort et tu dis si si le wali il guérit si tu guéris le malade, et je vais venir faire un sacrifice pour la tombe, ou je vais venir faire une sadaqa à cette tombe, ou des choses de ce genre. Donc ça, dans ce cas-là, ça devient du shirk. Ça rentre dans le shirk parce que tu demandes à autre que Allah la guérison, et tu demandes quelque chose à autre que Allah, hein, et tu promets d'offrir une adoration en retour à autre que à Allah. Donc dans ce cas-là, ça c'est shirk. Certains ulama ont mentionné que le nadr, de façon générale, est interdit, et ils se sont basés sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, également rapporté par Al-Nasa'i, et ils disent que ce hadith, en fait, c'est le hadith suivant en français, ça veut dire que Allah, le nadr ne ramène pas de bien, mais il ne fait que sortir quelque chose de la personne qui est avare. C'est-à-dire que à la base, le fait de faire le vœu pieux, c'est pas quelque chose qui ramène un bien, mais c'est plutôt une façon de faire sortir des bonnes œuvres de la personne qui est avare, hein, qui aime pas faire des bonnes œuvres. Donc elle se force. Elle fait des vœux pieux pour se forcer elle-même à faire des bonnes œuvres parce qu'elle n'est pas capable de les faire d'elle-même. Et le cheikh, il dit que les ulama qui ont mentionné que ça c'était haram, ils se basent sur ce hadith-là, et ils ont dit la raison pourquoi ils considèrent que c'est haram, parce que il y a dans ce hadith-là un blâme de faire le nadr. Il y a un blâme de faire le nadr ici. Et on sait que lorsque quelque chose est blâmé, un acte est blâmé, ça fait partie des formes qui indiquent l'interdiction d'une chose. Parce que l'interdiction, à la base, ça indique qu'une chose est haram. Mais le cheikh dit que la vraie position à ce sujet-là, c'est que c'est pas haram de faire le nadr. Plutôt, c'est quelque chose qui est déconseillé, c'est-à-dire c'est mieux de pas le faire. C'est mieux de pas faire de vœux pieux. La raison pourquoi c'est mieux, parce que tu risques de t'imposer à toi-même quelque chose et que par la suite tu sois pas capable, peut-être que tu seras pas capable de le faire. Hein? Tu dis par exemple, je m'impose à moi-même de jeûner pendant 2 semaines. Après, hein, peut-être que tu te sens pas bien ou que tu te sens pas capable de le faire, alors tu manques à ton serment ou à ton vœu pieux. Et donc ça c'est mauvais. Hein? De même que la personne qui dit oh Allah, si tu guéris mon fils qui est malade, ou ma fille qui est malade, je vais faire je vais sacrifier 5 moutons, hein, en sadaqa. Bon, si tu dis ça, après ta fille elle est guérie, maintenant tu dois faire un sacrifice de 5 moutons. Donc ça c'est quelque chose qui devient lourd pour toi. Peut-être que tu seras pas capable de le faire. Donc c'est mieux de pas faire de vœux pieux à la base. Mais une fois que tu l'as fait, là tu dois le respecter. Et c'est ça qui est mentionné dans le verset 7 dans sourate Al-Insan, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit yufuna bin-nadri. Hein, wa yufun, ça vient du mot en arabe al-wafa. Al-wafa, ça veut dire le fait de respecter notre engagement, d'être fidèle dans notre engagement. Donc si on a pris un engagement envers Allah, hein, on s'est imposé à soi-même, en prenant un engagement avec Allah, de faire telle ou telle adoration, alors dans ce cas-là, on doit respecter cet engagement qu'on s'est donné à soi-même. Hein? Et si on ne le fait pas, alors dans ce cas-là, yani on a manqué à notre engagement. Et ça, c'est ça qui est blâmable. Toutefois, de prendre, comme on a dit, de prendre le vœu pieux, à la base, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. C'est pas quelque chose de bien. Mais une fois que tu as pris le vœu pieux et que tu as fait le nadr, maintenant, ça devient une obligation pour toi de le respecter et de le faire. Et si tu le fais, dans ce cas-là, tu es récompensé. Juste un instant, parce que je viens de réaliser. Je vais prendre... On va profiter pour faire une révision, ou pas une révision, mais pour voir que tout a été bien compris. D'accord. Donc, comme on a expliqué, An-Nadhru, c'est une des formes parmi les formes d'adoration. Ok. Et on a expliqué que ça signifie al-ilzam dans la langue, et que dans la religion ça veut dire al-ilzam, de s'imposer quelque chose comme une adoration. Parmi les adorations, tu te l'imposes à toi-même, alors que dans la base de la charia, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Le verdict, on a dit que ça peut être soit en accord avec la charia, ou soit ça peut être un nadhr qui est shirk lorsque c'est pour autre que Allah. Et quand on a parlé du nadhr qui est en accord avec la charia, on a dit que c'est celui qui est fait pour Allah, et celui qui est shirk, c'est celui qui est fait pour autre que Allah. Et celui qui est fait pour Allah et qui est en accord avec la charia, il se divise en deux catégories: celui qui est munajjaz et celui qui est muallaq. Al-munajjaz, on a dit, c'est le nadhr qui n'est pas relié à une condition. Donc le nadhr qui est inconditionnel. C'est comme par exemple si tu dis, je m'impose à moi-même de faire la umrah cette année pour Allah, ou je m'impose à moi-même de faire le hajj cette année pour Allah, ou je m'impose à moi-même de donner 1000 $ en sadaqa ce mois-ci pour Allah. Donc ça, c'est le nadhr qui est inconditionnel. Pourquoi inconditionnel? Parce que tu l'as pas rattaché à une condition quelconque. Hein? Tandis que le nadhr qui est conditionnel, c'est celui qui est rattaché à une cause ou à quelque chose en particulier que tu demandes à Allah. Comme par exemple, tu dis, oh Allah, si tu guéris mon fils qui est malade ou ma fille qui est malade, alors je m'impose à moi-même dans ce cas-là, je m'imposerai à moi-même dans ce cas-là de jeûner pendant un mois, par exemple. Donc là, c'est relié à une condition. Ton nadhr est relié à une condition. Ça veut dire que si cette condition-là se réalise, que Allah guérit ta fille ou ton fils, alors dans ce cas-là, tu seras obligé de jeûner pendant un mois. Hein, pendant un mois. Et la même chose si tu dis par exemple, je m'impose à moi-même, si Allah m'aide à retrouver ou me fait retrouver mon portefeuille que j'ai perdu, ou mon argent que j'ai perdu, ou telle chose, hein, une chose quelconque, eh bien dans ce cas-là, je promets ou je m'impose à moi-même que je vais faire une sadaqa de 100 $ pour Allah si je retrouve mon portefeuille, ou si Allah me rend mon portefeuille, ou des choses comme ça. Ça, c'est un nadhr qui est conditionnel, qui est rattaché à une condition, d'accord? Et ça fait partie des différentes catégories de nadhr. On a expliqué aussi que le nadhr, certains ulama considèrent que c'est quelque chose qui est interdit à la base. Et la raison pourquoi ils considèrent que c'est interdit, c'est parce qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna an-nadhra la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil. C'est-à-dire, ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et An-Nasa'i, qui, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le nadhr n'amène pas de bien, mais c'est juste un moyen pour faire sortir quelque chose de celui qui est avare. Hein? C'est-à-dire que la personne, elle est avare de faire des bonnes œuvres, puis elle s'impose à faire des bonnes œuvres en faisant des vœux pieux comme ça, un nadhr. Sinon, en temps normal, elle ne le ferait pas d'elle-même. Hein? Donc, certains ulama ont dit, puisque ça c'est un blâme, donc ça rentre dans les interdictions. Puisque qu'est-ce qui est interdit, ça implique que c'est haram. Hein? Et le cheikh explique, Cheikh Ubaid, il explique que ici, an-nadhr, c'est pas haram. La position correcte à ce sujet-là, c'est que c'est pas haram, mais c'est quelque chose que c'est mieux de pas le faire. c'est comme si c'était détestable ou non recommandé. Et toutefois, une fois que tu as fait le nadr, même si c'est déconseillé de le faire, une fois que tu l'as fait, maintenant ça devient une obligation pour toi de respecter ce nadr que tu as pris avec Allah et de respecter cet engagement-là. Et la preuve de ça, c'est le verset que le cheikh a cité tout à l'heure, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a cité le verset 7 dans Surat Al-Insan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira » C'est-à-dire « Yufuna bin nadri » Ça, c'est une des choses par lesquelles Allah a glorifié ceux qui respectent leurs vœux pieux et qui les accomplissent une fois qu'ils ont pris ce genre d'engagement envers Allah. Donc toi, tu as pris un engagement envers Allah et tu l'as respecté. Donc Allah, il a glorifié ça, il glorifie ça, il aime ça. Toutefois, à la base, tu n'es pas obligé de faire le nadr. Hein? Et si tu le fais pas, c'est mieux. Parce que pourquoi? Parce que tu risques, par exemple, de faire le vœu pieux, puis après, par exemple, tu regrettes. Parce que tu dis, ah, je dois maintenant jeûner. Hein? Ta fille, t'a dit, oh Allah, si tu guéris ma fille, je vais jeûner pendant un mois. Maintenant, ta fille est guérie, maintenant tu dois jeûner pendant un mois. C'est quelque chose de difficile. Donc, tu t'es imposé ça à toi-même. Maintenant, à cause de ça, ça devient, t'as pas le choix, ça devient une obligation maintenant. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est recommandé de le faire. Mais une fois que tu l'as fait, tu dois le respecter. Et si tu le respectes, eh bien ça c'est une bonne action, c'est une bonne chose que tu as fait. Troisièmement, il y a des conditions au nadr. Et on va mentionner les conditions. Thalithan, shurut al-nadri, at-taklifu, wa huwa yani yashmal al-bulugh wa al-aql. Donc tu dois être mukallaf, tu dois avoir atteint l'âge de puberté et tu dois avoir ta raison. Si quelqu'un n'a pas atteint l'âge de la puberté, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire pour lui. Et s'il n'a pas la raison, alors il est excusé aussi. Deuxième condition, أن يكون النذر أي المنظور به طاعة. Une condition aussi pour que ton nadr soit valable, c'est que la chose que tu t'es engagé à faire soit quelque chose qui est une obéissance à Allah. Donc si tu t'es imposé à toi-même une action et que cette action-là c'est un péché, alors dans ce cas-là tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de respecter cet engagement-là ou ce vœu pieux-là. Comme par exemple, tu dis si Allah me par exemple si Allah me guérit de ma maladie, je vais me venger de telle personne, hein? Ou bien si par exemple je suis guéri de cette blessure que quelqu'un m'a fait, Je vais aller le tuer. Hein? Je m'impose à moi-même pour Allah d'aller tuer cette personne. Et là, Allah, il te guérit. Alors là, t'as pas le droit d'aller le tuer parce que tuer quelqu'un, c'est haram. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Donc t'as pas le droit de faire un vœu pieux dans lequel tu t'engages à désobéir à Allah. Si tu l'as fait, tu dois briser cet engagement-là. Tu dois briser ce vœu-là. Il dit, وَأَنْ يَكُونَ الْمَنْظُرُ بِهِ مُلْكًا لِلنَّاذِرِ. Aussi, une autre condition, c'est que si tu t'es engagé à faire quelque chose, comme dans ton vœu pieux, et que ça implique de donner quelque chose, il faut que cette chose-là que tu vas donner t'appartienne. Si cette chose-là n'est pas ta propriété à toi, elle ne t'appartient pas, alors tu peux pas le donner. Tu dis par exemple, je m'impose à moi-même de donner ma voiture en sadaqa, ou bien la voiture de quelqu'un en sadaqa. C'est pas la, tu peux pas donner la voiture de quelqu'un, tu vois. Il faut que ce soit la tienne. Tu peux pas donner aux gens la propriété de quelqu'un d'autre. C'est pas permis. Al-Qudra, aussi, c'est une autre condition. Al-Qudra, c'est-à-dire il faut avoir la capacité, hein, de faire la chose en question. Si tu es incapable de le faire, alors dans ce cas-là, tu es excusé. Tu peux pas faire, par exemple, tu dis je m'impose à moi-même d'aller monter le mont Everest pour Allah. Bon, tu n'es pas capable de faire ça, hein? Il faut être réaliste. Donc, c'est des exemples, des choses que tu peux pas faire. Tu n'es pas obligé, tu dois pas faire des vœux pieux de quelque chose que tu n'es pas capable de faire. وحصول المنظور عليه. Ou bien, par exemple, quelqu'un va dire je m'impose à moi-même, si par exemple je guéris de ma maladie, que je vais donner $1,000,000 en sadaqa. Et toi, tu n'as même pas $10 dans ta poche. Comment tu vas donner $1,000,000, hein? C'est pas possible. Cinquième condition, حصول المنظور عليه. Donc, si c'est un nadr qui est fait relié à une condition, alors il faut que la chose que tu as demandé, pour la condition pour laquelle tu as la condition que tu as établie pour le vœu pieux que tu as fait se réalise. Il faut qu'il se réalise pour que ce vœu pieux devienne obligatoire pour toi. Si la condition ne s'est pas présentée ou ne s'est pas produite, alors dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire pour toi, tu n'as pas à le respecter. D'accord? Donc si tu dis par exemple, oh Allah, si je réussis dans mon examen, hein, je m'impose à moi-même dans ce cas-là de jeûner pendant 3 jours. Bon, et après tu as échoué dans ton examen. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de jeûner 3 jours. Mais si tu réussis dans ton examen, là, tu es obligé de jeûner 3 jours. Naam. Et il dit wal arba'a 'amma fi al mutlaq wal muqayyad wa amma al husul al manzur 'alayhi fa huwa fi al mu'allaq. Donc les 4 premières conditions sont pour le nadr qui est général, qui est sans condition. Puis le 5e c'est pour le nadr qui est conditionnel, relié à une condition. Tanbihan. Il y a deux notes, deux choses à mentionner ici. Parmi les points que le cheikh a voulu mentionner, il dit man ajaza an al-wafa'i bi nadhr at-ta'a wajaba alayhi at-tahallul bi kaffarat al-yamin wa hiya it'am 10 masakin aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Hein? أو تحرير رقبة مؤمنة فإذا عجز عن هذه كلها صام 3 أيام. Bon, premièrement, si quelqu'un il est pas capable de faire, de respecter le vœu pieux qu'il a fait comme obéissance, par exemple, il est pas capable, il peut pas le faire, il est pas capable de respecter ce vœu pieux qu'il a pris avec Allah, alors il est dans ce cas-là obligatoire pour lui de se détacher de ce vœu pieux-là en faisant une expiation. Il fait l'expiation du serment. Et c'est quoi l'expiation? C'est de nourrir 10 pauvres ou de vêtir 10 pauvres ou de libérer un esclave. Et s'il n'est pas capable de faire une de ces 3 choses-là, alors dans ce cas-là, il doit jeûner 3 jours. Il peut jeûner 3 jours. Hein? C'est ça les expiations du fait de ne pas respecter son engagement ou son vœu pieux ou son serment. Et ça, c'est tiré d'un verset dans le Coran. Je vais vous le mentionner. C'est dans Sourate Al-Ma'ida. Naam, le verset 89. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Donc le verset que j'ai mentionné, le verset 89 dans Sourate Al-Ma'ida, qui dit « Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez normal, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, hein, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. » Donc ça, c'est le verset en question par rapport à l'expiation pour les serments. Et ça rapport aussi avec les vœux pieux aussi, parce que ça rentre dans les serments. Il dit « وَأَمَّا النَّذْرُ الْمَعْصِيَةِ » فإن الإجماع منعقد على تحريمه وعدم الوفاء به وهل فيه كفارة قولان لأهل العلم والصواب لزوم الكفارة لحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. Bon, en ce qui concerne la personne qui fait un vœu pieux et que ce vœu pieux là, ce nadr comprend ou implique de faire un péché, hein? Alors dans ce cas-là, on a expliqué que il y a le cheikh dit il y a un ijma, un consensus sur le fait que ça c'est interdit de le respecter et de le mettre en application de respecter ce vœu pieux là. Ça c'est interdit selon le consensus des savants de l'islam et tu ne dois pas donc le respecter ou le mettre en application. Toutefois, est-ce qu'il y a une expiation pour ne pas l'avoir respecté? Il y a 2 positions à ce sujet-là chez les ulama de l'islam. Et il y en a qui disent non, il n'y a pas d'expiation, parce que c'est un nazr qui est péché, donc c'est pas permis de le faire. Et donc, si tu ne le fais pas, hein, il n'y a pas d'expiation. Toutefois, le cheikh, il dit que la position correcte à ce sujet, c'est que tu dois quand même faire l'expiation. Tu dois, même si tu n'as pas le droit de faire ce vœu pieux-là, tu dois quand même faire une expiation, c'est-à-dire une des choses qui est mentionnée pour expier ce vœu pieux-là, soit nourrir ou vêtir 10 pauvres, libérer un esclave, et si tu ne peux pas, de faire le jeûne pendant 3 jours. Et il explique, le cheikh, que la preuve de ceux qui disent que tu dois quand même faire une expiation, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud, et qui est également rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i, et qui est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, le hadith numéro 2590, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La nadhra fi ma'siyatin » وكفارته كفارة يمين. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de vœu pieux pour un péché, et son expiation c'est l'expiation, hein, pour le serment. Lorsque tu as fait un serment que tu n'as pas respecté, c'est la même expiation. Et il dit والآية التي قبلها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فهل جاءت في معرض الثناء أو في معرض الذم بل هي في معرض الثناء والمدح فإذا الآية دليل على أن النذر ليس بمحرم وأن الوفاء بالنذر طاعة من صفات ومن صفات الأبرار طاعة من صفات الأبرار جعلنا الله وإياكم منهم. Donc le cheikh il mentionne le contexte du verset 8 dans verset 7 dans sourate Al-A'raf qu'on a lu tout à l'heure depuis le début, Al-Insan, pardon, le verset dans sourate Al-Insan dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit inna al-abrar. Donc il commence, ça commence par inna al-abrar, et c'est le verset 5, hein, inna al-abrar. Al-abrar, c'est le pluriel de al-bar, c'est-à-dire celui qui est vertueux. Donc les vertueux, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, dans Surat al-Insan, les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre. Ça, c'est le verset 5. Le verset 6, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah, ils la feront jaillir en abondance. Et le verset 7, ils accomplissent leurs vœux. Et c'est ça ici le shahid. C'est ça le point que le shaykh a voulu montrer. Ils accomplissent leurs vœux, c'est-à-dire ils respectent leurs vœux, et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Et si tu regardes le verset suivant, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. C'est-à-dire ils offrent la nourriture malgré son amour, hein, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, en disant c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Et donc ça, c'est la preuve que an-nadhr, c'est un acte qui fait partie des adorations, et que ce n'est pas quelque chose d'interdit, et que de respecter le vœu pieux qu'on a fait, c'est quelque chose qui est louable, hein, puisque on voit que dans le contexte de ce verset, c'est des éloges que Allah fait à ceux qui respectent leurs engagements et qui respectent leurs vœux pieux, et que ça fait partie des caractéristiques de al-abrar, c'est-à-dire les vertueux, les gens qui sont bienfaisants. Que Allah fasse que nous-mêmes, que nous soyons nous-mêmes ainsi que vous-mêmes des abrar, des gens qui font partie de des pieux et des vertueux. 6h36. Non. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera le prochain cours. La suite, on a terminé les différentes adorations. Maintenant, on passe au deuxième fondement parmi les trois fondements. C'est le fondement de la connaissance de l'islam avec ses preuves. Donc ça, on va commencer ça la semaine prochaine, inshallah, bismillah. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.